99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Que je... vient le soir. Il y a des fantômes forts, des monstres verts, des lapins qui ont 23 pattes, des éléphants qui rient tout le temps, des bandits qui montrent leurs dents, des araignées qui font des farces, des mille pattes qui me donnent la main, des escaliers qui finissent plus, des loups qui me tirent les cheveux, des poules qui pondent des œufs bleus, des chats qui marchent sur la tête, des chiens qui marchent sur les chats, des chevaux tout en chocolat. Il y a des peurs qui font rire, il y a des peurs qui font peur quand vient le soir et qu'il fait noir. La nuit vient dans mon lit, je mets et je ne m'ennuie. La nuit est mon ami, je ne suis pas seul ici. Halloween Méloman, ce soir, sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9 et en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie en ce 28 septembre, où, faute de passer l'Halloween par les rues du quartier, eh bien, on va au moins célébrer en musique. Pour les habitués de l'émission, ben vous savez qu'un spécial d'Halloween, ça peut être un peu abrasif par moment, ça peut faire peur. Et pour ceux qui syntonise pour la première fois, ben je pense que vous vous êtes allègrement rendu compte avec le premier bloc duquel on vient de sortir que c'était comme ça si vous n'avez pas changé de poste. Et qui se terminait ce bloc-là avec un succès souvenir de la première génération de Passe-Partout, série qui a débuté en 1977. On a entendu La Nuit, chanson noire, le tout chanté par Jacques Lheureux et Claire Pimparé, alias Passe-Montagne et Passe-Carreau, sur des paroles de Bernard Tanguay et une très belle musique, comme toujours, de Pierre-Yves Brault. Je dis comme toujours parce que toutes les chansons de Passe-Partout, y compris toutes les musiques instrumentales qu'on peut entendre dans la série, eh bien, ça a tout été composé par M. Brault, à qui plusieurs générations doivent énormément de souvenirs d'enfance. Et juste avant ça, évidemment, on était complètement ailleurs avec ce cher Marilyn Manson, un incontournable à l'Halloween. Et puis d'ailleurs, soit dit en passant, on aurait très bien pu mettre sa reprise de « This is Halloween » de l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme d'habitude. Mais vous allez voir, ce soir, on va essayer un petit peu d'aller ailleurs, éviter quelques pièces qu'on entend très souvent à l'Halloween. Évidemment, il va quand même y avoir quelques classiques. Mais, bref, c'est pour ça qu'on a plutôt entendu ici Manson avec « Apple of Sodom », qui nous provient de la trame sonore de Lost Highway, célèbre film de David Lynch de 1997, trame sonore que je vous conseille. Chose qu'on a entendue après le très beau duo français, malheureusement, un peu méconnu de John and Jen, qui font un peu dans l'indie folk, lo-fi, l'indie rock, lo-fi. Ça vaut à peine de les découvrir. On les a entendus ici en 2010 avec tout simplement Vampire, qui suivait, pour rester dans le thème, The Vampires d'Archie King, qui, lui, faisait un peu plus dans le son doo-wop classique. On était en 1959, juste après la chanson qui vous a peut-être fait changer de poste, soyons honnêtes. Ça commençait sur les chapeaux de roue, pas à peu près. On a entendu le groupe black metal polonais Batushka avec Yektenia 3, Premudrost. Vous vous excuserez mon polonais, qui nous vient de l'excellent album Les Turgia, qui a été encensé dans le milieu du métal par les critiques lors de sa sortie en 2015. Pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment un très bon album. Et sinon, notre thème ce soir, ben c'était ce cher Danny Elfman, compositeur associé de toujours à Tim Burton, réalisateur de films. On pense au Batman, Edouard, Roumain d'Argent, Sleepy Hollow, etc. Et aussi, le thème des Simpsons, c'est Danny Elfman qui a fait ça aussi. Donc, tout le monde le connaît sans le savoir. Et on a entendu ici le thème qu'il avait fait pour la série de 1989, Tales from the Crypt. Mais tout ça est loin d'être fini, parce que ce soir, c'est l'Halloween Méloman au 99 ans et 88.9 CFNJ. No running around. put a spell on you. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. sights to see. And when I look inside my window, so many different people to be, that it's strange, it sure is strange. You've got to pick up every stitch. You've got to pick up every stitch.

une composition de Harold Arlen sur des paroles de Johnny Mercer, dont la version qui va être popularisée en premier va être par nul autre que Glenn Miller et son orchestre. Mais il y a toutes sortes de monde qui vont chanter ça, dont Sammy Davis Jr. qui était dans le Rat Pack justement avec Sinatra et Dean Martin, Bobby Rydell, Marilyn Monroe aussi, et même Jerry Lewis dans son film Dr. Jerry et Mr. Love, a.k.a. Naughty Professor, qu'on va revoir, ils vont avoir des versions là, refaites, comme par Eddie Murphy. Et sinon, ben juste avant ça, toujours dans le noir, avec Black Sabbath, The Black Sabbath, première chanson de leur premier album, Black Sabbath, chanson qui va presque à elle seule inventer le métal, en mettant, entre autres, l'accent sur un intervalle entre deux notes qu'on appelle le triton, soit la quarte augmentée ou quinte diminuée, qui est célèbre pour avoir eu le surnom jadis de Diabolus in Musica, intervalle, qui veut dire le diable en musique, un intervalle proscrit à une certaine époque. Tout ça dû à la dissonance que ça procure, et c'est vrai que c'est assez instable, que ça peut créer un certain sentiment d'inconfort à l'oreille. Et dites-vous que Black Sabbath se sont fait un plaisir de l'utiliser à fond la caisse pour faire peur aux gens en 1970, et ça a marché, tout comme le sujet de la chanson qu'on a entendue juste avant, Season of the Witch, chanson composée et popularisée originalement par Donovan, mais là c'est la fameuse version de Julie Driscoll en compagnie de Brian Auger et de Trinity en 1968 qu'on a entendu, juste après encore quelque chose qui décapait pas mal, l'excellent groupe Zeal and Ardor, qui ont eu l'excellente idée de faire un mix improbable, celui fait à partir de vieilles musiques très afro-américaines, les spirituals en l'occurrence, qui précèdent même le gospel et le blues, et le black metal scandinave, musique très européenne originalement, on ne peut plus blanche, mais c'est ça qui est beau à notre époque, c'est qu'on est dans l'ère des hybrides, et qu'on n'est plus obligé de se cantonner dans un style hyper défini. Donc, c'est ce que Zeal and Ardor ont fait en 2018 avec Ship on Fire, qui était précédé ici d'un gros classique, Screaming Jay Hawkins, avec bien sûr I Put a Spell on You, version originale de 1956. Chanson qui va être reprise par un peu tout le monde. On pense à des Nina Simone et CCR. Et Jay Hawkins, qui, on l'oublie souvent, est un des premiers artistes qu'on pourrait qualifier de shock rock, bien avant les Alice Cooper ou Marilyn Manson de ce monde. Et tout ça qui a été amorcé par le groupe de Two Tone Ska, The Specials, avec leur classique Ghost Town de 1981. Et justement, parlant un peu de punk et de ska, ben on va y aller d'un classique qui nous provient de la scène punk New Wave new-yorkaise, avec une chanson de 1977 qui nous parle d'un tueur psychosé, toujours en plein Halloween méloman. On écoute Talking Heads au 99.1 et au 88.9 CFNJ. On fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run away. Oh, psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run. The Monster Mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It

is Long John's on the pub when I'm creeping up to the bottom to the hay. Young lovers with their legs tied up in knots. Young lovers with their legs tied up in knots. A wind is long tall gone pub when I'm creeping to blow the hay lock. On est toujours en plein mélomane, Halloween mélomane ce soir, et ce, sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Question de hanter le tout Lanaudière, avec des musiques angoissantes comme celle qu'on entend en ce moment, une musique de Charles Bernstein, ou j'imagine qu'en anglais on prononcerait Bernstein, comme Leonard Bernstein, bref, Charles Bernstein. Écrite en 1984 pour le très célèbre film A Nightmare on Elm Street du réalisateur Wes Craven, qui va faire connaître au monde entier son personnage cauchemardesque, qui est Freddy Krueger. Et juste avant, on était aussi dans le domaine du film d'horreur, cette fois-ci en 1992 avec le film Candyman, et une magnifique musique d'un de mes compositeurs préférés, Philip Glass, avec un thème tout simple qui s'appelle tout simplement Music Box, et qui suivait ici un groupe qui s'inscrivait un peu plus dans le rayon découverte ce soir. Ça vaut vraiment la peine de découvrir le groupe Mother Mother, qui nous viennent de Vancouver et qui sont vraiment rafraîchissants. Et fiez-vous pas seulement à ce qu'on a entendu ici, là, allez voir ce qu'ils ont fait, vous serez pas déçus. Et nous, ce soir, on les a entendus avec Hayloft, paru en 2008, qui suivait quelque chose d'assez abrasif, merci, encore une fois, un hybride qui mélange cette fois-ci le métal au rap, ou pour être plus précis, le trap, qui est le son que vous entendez un peu partout depuis quelques années, autant dans le pop que dans le rap, une forme de rythmique qui nous vient originellement d'Atlanta, dans l'état de la Géorgie, mais qu'on a entendu ici, version hybride, beaucoup plus sombre, avec Ghost Main et sa pièce Flesh de 2018, qui suivait un classique, pièce titre de la comédie musicale Pied de poule de 1982, chantée par Geneviève Lapointe, qui jouait alors le rôle de Dolby Stereo, qu'on a entendu après une version assez déconcertante du succès de Britney Spears, Baby One More Time, par le groupe de Marias en 2019. Encore une fois, un groupe à découvrir. Et sinon, on était dans le gros classique Halloweenesque que j'ai failli pas faire jouer, le fameux Monster Mash de Bobby Boris Pickett en 1962, Ray Parker Jr., avec évidemment le thème de Ghostbusters en 1984, qui est un peu beaucoup un rip-off de I Want a New Drug de Huey Lewis, qu'on avait approché pour faire la musique du film, on en avait déjà parlé à l'émission, il était trop occupé à faire la musique de Back to the Future, il a refusé, comme par hasard, une chanson qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son riff dans I Want a New Drug, sort sous le thème de Ghostbusters. Bref, on a aussi entendu le fameux thème de la scène de la douche de Psycho, film d'Alfred Hitchcock, 1960, par un gars qui aimait bien les dissonances et qui a fait plein d'autres choses intéressantes, M. Bernard Herrmann. Mais là, qu'est-ce qu'on veut à l'Halloween et qu'on n'aura pas cette année? On écoute ça, toujours à Meloman, 99.1, 88.9, CFNJ. We'll be right back. Danser, danser, danser, danser. José. the blissfully looking perfect, searching out fear in the gathering gloom, and suddenly over in the corner of the room, and there is nothing I can do. I realize before I 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. He's not a mortal man. God damn it, Cage! He's gonna make you his sex slave. You're gonna gargle mayonnaise. No. Unless we bust a massive monster mamma jam. Dude, we've been through so much shit. Deactivated lasers with my dick. Now it's time to blow this fucker down. Come on, Cage, now it's time to blow doors down. I hear your jibbles, now it's time to blow doors down. Light up the stage, cause it's time for a showdown. We'll bend you over, then we'll take it to Brown Town. Now we got to blow this fucking town. It's gonna rape me if we do not blow doors down. Come on, Cage, cause it's time to blow doors down. Who will find dragon? It's time for the smack. Hey, Antichrist, feel the boss. Lame. Come on, Cage, you're coming with me. Taste my lightning, fucker. No! Oh, fuck. My fucking horn. Oh, no. From whence you came, you shall remain until you are complete. This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other, and we each said, okay. And we played the first thing that came to our heads. Just so happened to be the best song in the world. It was the best song in the world. Look into my eyes and it's easy to see. One and one make two, two and one make three. It was destiny. Once every 100,000 years or so, when the sun doth shine and the moon doth glow and the grass doth grow. Needless to say, the beast was stunned. A whip crack went his rumpet tail, and the beast was done. He asked us, be you angels? And we said, nay, we are but men. Just a tribute. Couldn't remember the greatest song in the world. Yeah, no, this is a tribute, oh, to the greatest song in the world. Alright, it was the greatest song in the world. Alright, it was the best song, the greatest song in the world. And the peculiar thing is this, my friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song. This is just a tribute. You gotta believe it, and I wish you were there. Just a matter of opinion. Good God, God love you. I'm so surprised to find you can't stop here. I'm finally about rich motherfucker competition. Sur ce, on arrive déjà à la fin de notre soirée d'Halloween, Méloman. Le temps nous presse un petit peu, donc on va être obligé d'y aller brièvement, malheureusement. Il y a tellement plein d'autres choses que j'aurais aimé vous faire jouer. Mais quand même, on a entendu plein de belles musiques dans le dernier bloc. On entend en ce moment nul autre que la légende John Williams avec la pièce Hedwig Flight, qui a bien sûr fait office de thème principal pour la série de films d'Harry Potter à partir de 2001. On a aussi entendu le doublé des doublés avec le Mighty Tenacious D, la meilleure chanson au monde suivie de son hommage, soit Beelzebub, The Final Showdown de 2006, suivi de son hommage écrit 5 ans auparavant, ironiquement, qui s'intitule tout simplement Tribute. Les fans de Jack Black et de Tenacious D savent de quoi je parle. Et sinon, ben, une nouvelle entrée dans notre spécial d'Halloween, le groupe indie Ariel Pink, que je vous encourage fortement à découvrir, et qu'on a entendu avec Fright Night Nevermore de 2010, qui était précédé de deux berceuses maléfiques, Lullaby par The Cure en 89, dont le clip avait été réalisé par Tim Burton, dont on a parlé tantôt, et Rosemary's Lullaby, aussi appelé Sleep Safe and Warm, tiré du film Rosemary's Baby de Roman Polanski, un thème composé par Christoph Komeda, avec la présence à la voix de Mia Farrow, qui était aussi l'actrice principale dans le film en 1968. Et sinon, ben, vous avez sûrement reconnu qui d'autre que la compagnie créole avec la toute de circonstances, le bal masqué, surtout cette année. Et le tout amorcé par Bow Wow avec I Want Candy, gros hit de 1982. Et moi, ben, sur ce, je vous dis à mercredi prochain, 20h, pour un autre Méloman. 99.1, 88.9, CFNJ. Addicted to them hood rats, and I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find, yeah, I always find, yeah, I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from the baby. Run away. Run away from the baby. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. 24/7, 365. pussy stays on my mind. I did it, alright, I admit it. Now pick your next move, you can leave or live with it. Ichabod Crane with that motherfucking top off. Split and go where, back to wearing knockoffs. High, knock it off, Neiman's shop it off. Let's talk over my ties, waitress top it off. Hoes like vultures wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them, they ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty holes in a ball of nigga matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know I did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage if one day you just up and leave. And I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Have a toast for the scumbags, every one of them that I know. Just have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as